du monde, il y a du monde ce soir, il y a du monde. Vous êtes prêts là, je vois. Est-ce que vous êtes là ce soir? Est-ce que vous êtes là? Je vous entends pas, là je recommence. Est-ce que vous êtes là ce soir? Ouais, comme ça, super. Je recommence. Ouais, comme ça.